L'aura émotionnelle. L'aura émotionnelle fait référence à l'énergie subtile qui entoure une personne et qui est influencée par ses émotions, ses pensées et son état d'être intérieur. Elle est considérée comme une manifestation de notre essence spirituelle et de notre état émotionnel. L'aura émotionnelle est souvent décrite comme un champ énergétique coloré qui entoure le corps physique. Les couleurs et les vibrations de l'aura peuvent varier en fonction des émotions ressenties par la personne. Par exemple, les émotions positives comme la joie, l'amour et la gratitude peuvent créer des couleurs vives et lumineuses dans l'aura comme le jaune vif ou le blanc brillant, tandis que les émotions négatives comme la colère, la peur ou la tristesse peuvent générer des couleurs sombres ou ternes. Selon la spiritualité, l'aura émotionnelle peut être perçue et interprétée par des individus sensibles ou des praticiens de la guérison énergétique. Ils peuvent utiliser leur intuition et leur capacité extrasensorielle pour lire et interpréter les informations contenues dans l'aura. L'aura émotionnelle peut donner des indications sur l'état émotionnel d'une personne, ses tendances psychologiques et son niveau de bien-être global. Travailler avec l'aura émotionnelle peut être bénéfique pour favoriser l'équilibre émotionnel, la guérison et la croissance spirituelle. Certaines pratiques spirituelles, telles que la méditation, la visualisation et la guérison énergétique, peuvent aider à purifier et à renforcer l'aura émotionnelle, favorisant ainsi un état d'harmonie et d'épanouissement. L'aura émotionnelle est composée de plusieurs couches qui sont les suivantes. 1. La couche physique. Cette couche est la plus proche du corps physique et reflète l'état de santé physique de la personne. Elle peut également révéler les blessures émotionnelles qui ont un impact sur le corps. 2. La couche éthérique. Cette couche est liée à l'énergie vitale de la personne et peut révéler des blocages énergétiques ou des déséquilibres dans le corps. 3. La couche émotionnelle. Cette couche est liée aux émotions et aux sentiments de la personne. Elle peut révéler les émotions refoulées ou les traumatismes émotionnels. 4. La couche mentale. Cette couche est liée à la pensée et à l'intellect de la personne. Elle peut révéler les croyances limitantes ou les schémas de pensée négatifs. 5. La couche spirituelle. Cette couche est liée à la spiritualité et à la connexion avec le divin. Elle peut révéler le niveau de conscience spirituelle de la personne. Chacune de ces couches est interconnectée et peut influencer les autres. Il est important de prendre soin de son aura émotionnelle pour maintenir un équilibre émotionnel, mental et spirituel sain. Page 46. 4. Nous allons parler de l'aura spirituelle. Page 46. 4.